dit de louange et d'honneur. Puissance et force sont pour ton nom, Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Nous proclamons sur nos vies ta victoire. Merci, oh merci, merci à notre Père, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, consolateur. Merci, oh merci, merci à notre Père, au Saint-Esprit, à Jésus-Christ, notre Sauveur. Saint-Esprit, consolateur. Merci, oh merci, merci à notre Père, au Saint-Esprit, à Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci, oh merci, merci à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, consolateur. Merci, oh merci, merci à notre Père, au Saint-Esprit, à Jésus-Christ, notre Sauveur.